Chapitre 4e, pour avoir les millions. Depuis quelque temps, le comte de Saint-Rion, Zigomar Clouteau, se trouvait à Paris, retour d'Amérique. Il négociait une affaire assez délicate. Certes, Zigomar Clouteau n'était pas sans ressources. Les parts du comte de Saint-Rion dans des entreprises en Amérique lui rapportaient un fourbeau denier. Tout autre se fut considéré comme riche avec ses revenus. Mais Zigomar avait des appétits terribles, des besoins féroces, et il devait souvent jeter quelques os dorés à ses aides pour entretenir leur confiance et garder leur dévouement, ce qui lui faisait connaître de temps en temps des heures difficiles et pénibles. C'est pour pallier un de ces moments désagréables qu'il avait résolu de se débarrasser du vieux château de Saint-Rion et de ce qui restait du domaine. Il avait chargé de ce soin Maître Grémois, le notaire de Madeleine Marnier, voulant, déclarait-il, que dans une seule étude se trouvassent réunis les intérêts des deux familles qui, dès maintenant, n'en faisaient moralement qu'une, en attendant que cette union fût constituée selon la loi française. Mais le vieux manoir de Saint-Rion ne trouvait pas facilement acquéreur, et le comte s'impatientait. Souvent, il écrivait au notaire, lui demandant de lui avancer lui-même de l'argent sur le château, déjà hypothéqué, ou de lui trouver un prêteur. Maître Grémois faisait la sourde oreille. La valeur du manoir ne le couvrait pas suffisamment, et les prêteurs se montraient durs. Il n'entrait pas dans ses habitudes, au demeurant, de faire intervenir les usuriers pour ses clients. À une nouvelle lettre du comte, de passage à Paris, plus pressante que les précédentes, il avait répondu, priant son client de vouloir bien venir à l'étude pour parler de cette affaire. Le comte donc se présenta à l'étude et peu s'en fallut, nous l'avons vu, qu'il ne se trouva chez Maître Grémois en même temps que Madeleine. Cependant, cette visite de la jeune femme, la riche cliente, modifia fortement les sentiments du tabellion. Il connaissait naturellement le roman de Madeleine, il savait, Madame Berton le lui avait révélé, que le comte et Madeleine s'aimaient tendrement et qu'ils avaient commis l'imprudence suprême, la faute irréparable, que le mariage en Angleterre devait atténuer. Forcément, il connaissait la naissance de Paulette. Maître Grémois se trouvait aussi au courant des événements de ces dernières années. Il savait que ce qui empêchait la légalisation du mariage de Madeleine avec le père de son enfant, avec le comte, que pendant quelques jours on crut assassiné, c'était la folie de la jeune femme, folie causée par la terrible nuit de la tilleuse. Mais aujourd'hui, tout semblait changé, arrangé, remis en état normal. Dans son étude, là, à l'instant, un nouvel et heureux aspect des choses venait de se manifester. Madeleine n'était plus folle. Elle avait absolument, entièrement, recouvré la raison. Elle pouvait, secondée par son conseil, son avocat, causer affaire, parler chiffres et discuter ses intérêts avec clarté, avec suite, avec décision. Donc l'obstacle au mariage de Madeleine Marnier avec le comte de Saint-Rion n'existait plus. Le mariage pourrait se faire. Et le contrat même s'élaborerait dans son étude. Ce fut par conséquent avec joie qu'il accueillit le visiteur. Le comte entra dans le cabinet de Maître Grémois et tendit la main au notaire. Celui-ci le reçut avec un empressement qui surprit quelque peu Zigomar. Alexandre, ou Clouteau, ou Zigomar, toujours en état de méfiance, se demanda aussitôt pourquoi Maître Grémois, qui généralement, dans les visites antérieures, assez rares d'ailleurs, se montrait froid, correct certes, mais presque aussi solennel que le bon monsieur Duranton de Mantes, aujourd'hui, s'empressait ainsi et le recevait avec un sourire d'une telle affabilité. « Il y a quelque chose de nouveau, pensa-t-il, et ça ne doit pas être mauvais. » Rassuré et impatient de connaître ce qu'il y avait en réalité, il prit le siège que lui indiquait le notaire. Maître Grémois s'était assis dans son fauteuil de cuir, derrière son énorme bureau encombré de paperasses, de dossiers. « Vous ne sentez rien ? » demanda-t-il tout à coup au comte avec un sourire malin. Tout à ses préoccupations, à ses soucis, le comte répondit « Que voulez-vous que je sente ? J'ai un notaire. Le papier timbré. Je sentirai bien l'argent, mais vous savez que l'argent n'a pas d'odeur. Vous ne sentez pas un parfum subtil, un arôme spécial, une senteur suave. Allons, une odeur qui serait blonde. Blonde ? Le comte s'y méprit. Il donna un tout autre sens à la plaisanterie du tabellion. « Ha ha ! » fit-il. « Le bon notaire vient de recevoir une jolie cliente. Oui. » Exquise, blonde, avec des yeux merveilleux, un sourire adorable, des dents d'enfant, une charmeuse, une fée. Mazette et cette merveilleuse fée blonde venaient faire préparer quelque acte chez le bon notaire, précisément. un acte de mariage, non. C'est une jeune fille, c'est une jeune femme, veuve, qui s'est crue veuve, qui ne l'est pas, divorcée. Ah, vous n'y êtes pas. Non, ce n'est ni une veuve, ni une divorcée, ni une jeune fille. C'est une jeune femme idéale que vous connaissez bien, moi. Madeleine Marnier. Le comte fit un bond. Madeleine est venue ici. Elle était assise dans le fauteuil que vous occupez. Ici, là, dans ce fauteuil, Madeleine, ma femme, ma chère âme. Mais se reprenant. Vous me disiez que Madeleine était venue chez vous, son notaire, pour parler affaires, discuter chiffres. C'est l'exacte vérité. Hélas, comment Madeleine peut-elle? Elle s'en tire ma foi fort bien. Voyons, c'est impossible, cependant. Vous connaissez, hélas, le malheur qui l'a frappé et qui me frappe aussi, qui me tue. Tout cela est passé. Passé? Ce malheur n'existe plus. Si je puis dire ainsi, comment cela? Madame Madeleine a recouvré la raison. Le comte tressauta dans son fauteuil, quelque effort qu'il fit pour garder son calme. Recouvrez la raison, Madeleine, s'écria-t-il. Madeleine n'est plus démente, elle n'est plus folle. Le notaire s'étonna. Comment, vous ne le saviez pas, vous, le comte de Saint-Rion, vous, son mari, vous enfin, qui avant tout autre, deviez le savoir? Clouteau Zigomard se ressaisit aussitôt. Il comprit qu'il venait de se livrer, de s'engager dans une mauvaise passe. Si, je le savais, ou pour parler plus exactement, je savais que la guérison de ma chère Madeleine se faisait lentement, lentement. Je n'espérais pas une heureuse solution aussi prompte. De là mon saisissement, de là mon bonheur, de là ma joie. Il redit, joignant les mains, « Madeleine guérie enfin, merci mon Dieu, merci !» Et du coin de son mouchoir, il essuya ses yeux d'où ne coulait aucune larme. Mais ce geste accompagnait admirablement son exclamation dramatique. Ah, quel magnifique troisième rôle de drame Zigomard eût fait! Quel superbe traître bien moderne que ce misérable! Il reprit, voulant chasser de l'esprit du notaire tout soupçon, écarter de lui toute arrière-pensée. Vous savez que pour m'étourdir, pour oublier, pour calmer ma douleur incessante, je voyage beaucoup. On ne sait jamais exactement où je me trouve. Je ne sais pas moi-même où je vais, où j'irai. Vos lettres ne m'arrivent parfois que très longtemps après leur envoi. Cela vous explique que j'ai pu n'avoir pas de nouvelles de Madeleine depuis un certain temps, en effet. Mais aussi, quel bonheur, quel ravissement. Ah, c'est comme si on avait ouvert devant moi les portes du ciel. Madeleine, oh, enfin, le terrible obstacle est levé. La barrière n'existe plus. Madeleine, tu vas pouvoir être ma femme devant les hommes, comme tu l'étais déjà devant Dieu. Zigomard n'aimant pas, on devine pourquoi, avoir des rapports suivis avec la police, avait donné comme adresse l'étude de maître Grémois. C'est chez le notaire que l'on envoyait de la police régulière, des diverses agences particulières, lançait la recherche de Paulette, les bulletins, les fiches de renseignement. Les rapports de ces hommes, de ces agents, des aides, il les recevait ailleurs. Maître Grémois rassemblait les documents policiers, les envoyait au comte, qui ainsi, tout en se tenant au courant des recherches, que faisaient pour lui de nombreux détectives, n'avait pas de relation directe, toujours dangereuse pour un fort bon comme lui, avec la police ou la justice. Le comte alors demanda au notaire, « De ma fille, de ma Paulette, vous n'avez encore aucune nouvelle? On n'est pas encore parvenu à retrouver sa trace? Pas encore. C'est inouï, c'est incroyable, c'est désolant. Connaissez-vous, vous qui en tant que notaire êtes le confident de tant de secrets douloureux de famille, connaissez-vous un père qui souffre autant que moi, qui est une peine comparable à la mienne? Je vous plains sincèrement. » Le comte, après un court moment de silence nécessaire pour surmonter son angoisse paternelle, dit au notaire, « Mais mon prochain mariage avec Madeleine va modifier toutes nos conventions, tous nos arrangements. Comment? En quoi? Moi, devenant le mari de Madeleine, cela dépendra du contrat de mariage. Nous nous marierons sous le régime de la communauté. Entre le comte et la comtesse de Saint-Rion, tout sera commun. » Je ne puis dire, fit évasivement maître Grémois. C'est vous qui ferez le contrat. Pardon, c'est moi qui le rédigerai, si vous me faites l'honneur de me confier sa rédaction. C'est entendu, cher ami. Merci, je le rédigerai, mais selon la volonté des parties contractantes. Madeleine ne peut désirer une autre forme de contrat. Madeleine a un conseil. Un conseil, quel conseil? Maître Thirion, son avocat, qui l'accompagne, qui la seconde dans ses démarches, la guide pour la défense de ses intérêts. Zigomard de nouveau sursauta, mais très maître de lui, dit en souriant, « Oh, Si c'est Maître Thirion, ça ira tout seul. Maître Thirion est mon ami, aussi bien que celui de Madeleine. Il sera également mon conseil, mon avocat. » Mais en disant cela, le prétendu comte pensait « Avec Maître Thirion, ça ne marchera pas facilement. J'ai toujours flairé en lui un adversaire, un ennemi. » Mais Igomar n'était pas homme à s'arrêter en chemin quand un adversaire lui barrait la route. Il savait comment on tourne un obstacle et aussi comment on se débarrasse d'un ennemi. « Je me charge de ce Thirion-là, se dit-il. » Il entra alors dans des détails plus précis, voulant connaître exactement la fortune de Madeleine. Jusqu'ici, il n'avait pas osé poser cette question à Maître Grimois. Naturellement, celui-ci, se retranchant derrière le secret professionnel, ne l'aurait aucunement documenté sur la fortune d'une de ses clientes qui ne pouvait, étant folle, devenir la femme du comte. Mais alors il pensa qu'il pouvait tenter cette question, et le notaire ne crut pas, dans les circonstances présentes, devoir garder le secret. Il révéla donc au comte que Madeleine possédait plus de 2 millions. Igomar eut comme un éblouissement. 2 millions ? Ah oui, certainement, plus fortement que jamais, il était résolu à demander le régime de la communauté pour son contrat de mariage. Puis, encouragé, il aborda la seconde question, plus délicate peut-être, la question de Paulette. Son père et sa mère étant unis, enfin, Paulette, seulement reconnue jusqu'ici par ses parents, se trouva légitimée par leur mariage, dit le comte. C'est exact, fit le notaire. Je deviens par conséquent son tuteur légal. En effet, l'administrateur parla même de sa fortune, de l'héritage que lui a laissé sa bonne marraine, Madame Berton. Parfaitement. L'héritage de Madame Berton est de 3 millions augmenté des intérêts. Le comte se mordit les lèvres pour ne pas laisser échapper un cri de joie. 3 millions et 2 millions, cela faisait en tout pays 5 millions, plus les intérêts. Or, c'était plus que le paradis, comme il disait tout à l'heure, que ce brave notaire ouvrait devant lui. C'était aussi la caverne d'Ali Baba, la source du pactole qu'il lui indiquait. 5 millions, 6 ou 7 peut-être, qui sera lui, Alexandre, à lui, Clouteau, à lui, le maître invisible, Igomar. Et il n'avait pour les obtenir, pour les empocher, qu'à prendre la peine d'épouser une femme délicieuse, charmante, idéale, unique. Mais, dit-il au comte, pour que je vous fasse la remise de l'administration de l'héritage de Madame Berton, il faut absolument que vous produisiez avec documents et preuves indéniables, témoignages irrécusables de son identité, l'héritière légale et unique, Paulette Marnier. Igomar s'écria. La comtesse et moi, nous vous amènerons sous peu notre enfant, notre chère Paulette. Il quitta le notaire, un peu grisé par l'énoncé de cette fortune. En chemin, il se répétait. Des millions, j'ai des millions, j'ai des millions.